Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à la libération des camps, 70 ans après l'ouverture des camps d'Auschwitz-Birkenau. Ce matin, nous débattrons du regard soviétique sur ces camps. Après avoir évoqué lundi Raoul Wallenberg et le sauvetage des Juifs de Hongrie, avoir découvert le camp de Natzweiler-Struthof dans le documentaire d'Anaïs Quin et de Françoise Camard mardi, parler hier des réparations d'après-guerre, nous allons ce matin donc nous demander s'il y avait un regard particulier sur les camps nazis de la part de ceux qui libérèrent, en particulier les camps d'Auschwitz-Birkenau, les soviétiques. Une exposition sur ce thème se tient en effet à Paris, au mémorial de la Shoah ces temps-ci, et nous aurons avec nous deux des commissaires de cette exposition, Filmer la guerre, les soviétiques face à la Shoah, Alexandre Souff, qui est spécialiste de l'URSS et historien du cinéma, Vanessa Voisin, qui est historienne spécialiste de l'épuration et membre du projet collectif Cinesov, et nous aurons également avec nous Nathalie Moine, qui est historienne de l'URSS, qui a participé au catalogue de cette exposition, elle est chargée de recherche au CNRS et spécialiste de la commission extraordinaire soviétique sur les crimes nazis, et enfin Tal Brutman sera également avec nous, il est historien spécialiste de la Shoah et auteur d'un repère, La Découverte, qui vient tout juste de sortir avec un titre simple, Auschwitz. Bonjour Anaïs Quin. Bonjour. Bonjour à vous Alexandre Souff. Bonjour. Bonjour Vanessa Voisin. Bonjour. Bonjour Nathalie Moine. Et bonjour à vous Tal Brutman. Bonjour. Je vais commencer par vous et puis peut-être les autres voudront-ils réagir. On s'est posé une question dans notre bureau depuis avant-hier. Grosse discussion autour de la présence ou plutôt de l'absence de Vladimir Poutine aux cérémonies d'avant-hier. Et donc on a eu beaucoup de lectures différentes dans la presse. On a noté son absence mais avec des interprétations très différentes. A-t-il été invité, pas invité? Pourquoi n'était-il là? Pourquoi n'était-il pas là? Etc. etc. Enfin, toutes ces questions, vous pouvez peut-être lever un coin de voile sur ce qui s'est passé pour qu'on comprenne cette absence qui est apparue internationalement aussi importante que l'absence de Barack Obama à la manifestation du 11 janvier. Je ne sais pas si je vais réussir à lever quoi que ce soit, mais de fait, visiblement, pour les commémorations, il n'y a pas eu d'invitation officielle lancée à qui que ce soit. Ça a été organisé par le Comité international d'Auschwitz. De ce fait, sont venus ceux qui voulaient venir. Et en l'occurrence, il y a aussi une longue histoire qui est celle de la découverte d'Auschwitz par l'Armée rouge et la Russie qui se pose comme héritière de l'Armée rouge et de l'Empire soviétique. Alors que de fait, si on pousse la logique jusqu'au bout, ce sont les républiques soviétiques dans leur ensemble qui ont participé à cette libération. Donc la présence ou l'absence de Poutine peut être mise en regard par rapport aux présences et aux absences des autres représentants des partis de l'Ukraine, pour l'Ukraine mais aussi le front ukrainien, c'est-à-dire le corps d'armée soviétique qui a découvert Auschwitz, n'était pas constitué d'Ukrainiens ou de Russes essentiellement, mais surtout de soldats venant des républiques asiatiques, ce qui fait qu'il y a plein de lectures possibles de cette découverte elle-même, et puis surtout ça montre le haut degré de politisation de ce lieu qui n'a jamais cessé depuis 1945-1946. C'est ce que vous racontez dans votre numéro, votre repère, La Découverte sur Auschwitz. Nathalie Moine, vous avez votre propre interprétation de cette absence de Vladimir Poutine, puisqu'on a vu beaucoup de papiers, en particulier traduits de la presse russe, qui critiquaient les Occidentaux pour ne pas l'avoir invité, par exemple. Alors, j'aimerais avoir un avis informé que je n'ai absolument pas. Donc, tout ce que je peux déduire, c'est d'abord que c'est une excellente manière pour les Russes de mettre les Européens, je dirais, face à leurs contradictions, c'est-à-dire leur incapacité à reconnaître que c'est les Soviétiques qui ont libéré Auschwitz. Et on pourra peut-être aussi revenir sur cette expression qui a été récemment contestée de manière, à mon avis, extrêmement maladroite. Je voudrais aussi souligner que dans cette presse russe, j'ai lu qu'un grand rabbin, je ne sais plus si c'était de la synagogue de Moscou, même enfin, un personnage important de la communauté juive en Russie, avait par ailleurs souligné que non seulement les soviétiques ont libéré Auschwitz, ils ont aussi, parce que malgré tout il y avait quand même 7000 personnes encore En présent, ils en ont hospitalisé et soigné beaucoup. Beaucoup sont morts, non pas parce qu'on s'était mal occupé d'eux, on s'est certainement mieux occupé d'eux parce que les médecins soviétiques avaient un certain avaient acquis malheureusement un certain bagage en la matière que dans les camps de l'Ouest. Et on a effectivement toute une documentation sur cette manière de soigner. Or, et c'est ce que faisait valoir ce rabbin, disant, on a plein de choses dans nos archives. Et ce qu'il avait oublié de dire, c'est que ces archives, jusqu'à très récemment, étaient inaccessibles et étaient même, enfin, leur existence même était tue. De même qu'au début des années 90, les chercheurs ont pu s'apercevoir que les soviétiques avaient caché pendant des décennies des registres de décès qui étaient d'une importance énorme. De même qu'on sait aussi que c'est grâce à cette ouverture d'archives soviétiques qu'on a pu mettre un point final sur la question de l'existence et du fonctionnement des chambres à gaz. Donc il faut savoir tenir ce discours complet qui est, oui, les soviétiques non seulement sont entrés dans Auschwitz, non seulement ils y sont entrés, ils ont fait une enquête d'une qualité qui n'a aucun équivalent dans les camps de l'Ouest, et par ailleurs c'est un régime stalinien qui a eu ensuite une gestion, en particulier des archives collectées à Auschwitz, qui est un... Bon, qui est aussi un scandale de l'histoire. Problématique. Alexandre Soumf. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Nathalie sur cette question de l'ambiguïté européenne par rapport au rôle des soviétiques dans la guerre et en particulier dans cette fin de guerre. Bon, par contre, je doute que Poutine ou quiconque dans l'administration présidentielle soit allé dans les archives et lise les travaux des chercheurs, qu'ils soient russes ou occidentaux. Je pense que Poutine, on fait un peu de criminologie parce que ça revient à la mode. Alors ça revient à la mode, la criminologie. Mais on est toujours en train d'essayer de comprendre ce que pense Poutine, ce qu'il veut, pourquoi est-il à tel endroit. C'est un peu le chat du Cheshire, il promène son sourire sur les plages de Normandie, puis tout à coup ne vient pas. Et peut-être aussi que Poutine fait plus parler de lui en n'étant pas à Auschwitz qu'en y venant. Vous parliez tout à l'heure, Tal Brutman, de ces usages politiques de ce lieu donc, qui est devenu emblématique du XXe siècle d'une certaine façon. Ce sont des usages qui courent depuis justement 1945. Depuis la découverte du camp par les soviétiques, il y a eu un gros investissement politique. Dès 1947, est créé un musée d'État par la grâce du Parlement polonais, donc c'était une décision étatique forte, et dès lors il va y avoir une mise en place d'un discours politique qui souvent n'a rien à voir avec l'histoire, et notamment ce qui est très intéressant et qui avait été mis en lumière au début des années 90 en France par Jean-Charles Chourek, c'est la mise en place de l'historiographie, ou plutôt de la mémorialisation du site, puisqu'il y a des pavillons nationaux qui sont censés représenter les histoires de chaque pays concerné par Auschwitz. Or, jusqu'à la fin du régime communiste à Auschwitz, il y avait des pavillons qui étaient donnés... au bon gré de la géopolitique de l'époque. Il y a un pavillon pour la RDA qui représentait la lutte antifasciste, mais la RFA qui incarnait le Troisième Reich était absente. Le Danemark ou la Bulgarie, qui n'étaient pas concernés par l'histoire d'Auschwitz, s'étaient vus confier des pavillons, et des pays directement concernés par l'assassinat de leurs juifs nationaux en étaient totalement absents. Et parfois jusqu'à aujourd'hui encore, comme la Grèce par exemple, dans la communauté juive de Salonique qui a été engloutie là-bas, et qui n'a pas de pavillon à l'heure actuelle consacré à ce sujet. Anaïs Kien. On galope un petit peu là dans l'histoire d'Auschwitz, des camps d'Auschwitz et de leur découverte. Peut-être qu'on peut rappeler rapidement, Tal Brutman, ce que découvrent les soviétiques lorsqu'ils arrivent sur le site en janvier 1945. En fait, on a une armée qui progresse depuis Cracovie et qui s'enfonce en territoire allemand, puisque Auschwitz est en Allemagne depuis 1939, annexée au Grand Reich, et il tombe sur... les séries de camps qui constellent l'espace d'Auschwitz. D'abord, ils arrivent à Monowitz, où se trouve Primo Levi. Et Primo Levi raconte cette arrivée dans Si c'est un homme, notamment. Ils vont progresser ensuite jusqu'au camp souche à Auschwitz 1, ce qu'on appelle le Stammlager, à partir duquel tout s'est développé. Ils finissent par arriver à Birkenau. Et en fait, ils arrivent dans un espace. Ces trois camps uniquement sont prévus pour plus de 200 000 personnes. Et il y a environ 7 000 personnes prisonniers encore en vie ou moribonds au moment où ils arrivent, répartis dans ces trois espaces et les sous-camps qui se constellent à Auschwitz et ses alentours. Donc un camp quasiment vide, des camps quasiment vides. Qui est totalement vide. Si on rapporte ça aux 200 000 personnes qui sont censées être là et les plus de 150 000 évacués depuis l'été 44, puisque les premiers transferts commencent en juillet-août 44 vers l'intérieur du Reich, et le 17 janvier, le camp est vidé dans sa quasi-totalité avec 58 000 personnes jetées sur les routes pour les marches de la mort. Ils arrivent dans dans un espace tel que Birkenau qui fait 170 hectares et où il n'y a que quelques milliers de personnes alors que c'est prévu pour être une ville de 150 000. Nathalie Moine, vous avez travaillé sur cette commission extraordinaire qui a été mise en place très tôt dans la Seconde Guerre mondiale par les Soviétiques en 1942 et qui était chargée de documenter à la fois les crimes des nazis, les exactions contre les personnes, contre les hommes, contre les paysages, enfin tout ce qui était possible de faire. Et vous avez fait un travail très patient sur cette immense documentation, Nathalie Moine. Que dit-elle, cette documentation, de ce qui a précédé immédiatement l'arrivée à Auschwitz et de cette arrivée à Auschwitz vue par les Soviétiques, justement ? Oui, alors c'est une commission qui travaille entre la mi-février et le début du mois de mars 1945, qui a été précédée donc par cette arrivée de l'armée rouge qui, elle aussi, participe à cette documentation. Et cette documentation, elle est constituée à la fois de dépositions, d'interrogatoires, hein, donc de cette poignée de survivants. Bon, ils n'interrogent absolument pas tous les survivants, ceux qui sont en mesure de parler à l'aide de traducteurs ou qui savent parler le russe. Mmh. Donc on a énormément d'entretiens. Enfin, d'interrogatoire plus exactement, y compris l'interrogatoire de membres, d'anciens membres du Sonderkommando, dont deux très célèbres vont revenir sur les lieux. Ils font une enquête d'ordre, il y a des sous-commissions, une commission d'expertise technique qui va s'intéresser en particulier à reconstituer l'ensemble de ces bâtiments que les Allemands s'étaient employés à détruire, à dynamiter. Il récupère un certain nombre d'objets, il fouille les cendres, il retrouve une partie des documents laissés par les membres du Sonderkommando. Et donc, et ils font une commission, il y a une sous-commission médicale, et c'est extrêmement important parce que elle va à la fois examiner les survivants. Et elle va aussi se livrer un certain nombre d'expertises médico-légales sur des cadavres qui ont été exhumés. Ça veut dire qu'il y a donc, et pour Auschwitz, c'est particulièrement, c'est fait de manière particulièrement soigneuse. Il va y avoir tout un ensemble d'informations qui va leur permettre à la fois de décrire la construction des chambres à gaz crématoires et aussi des autres formes de mise à mort, des autres formes d'incinération des cadavres et aussi l'ensemble des formes de mise à mort qui sont à la fois cette mise à mort centrale du gazage, mais aussi la mort par la faim, le froid, les coups, les effets psychiques de la terreur sur ces dizaines de milliers de prisonniers. Et pourquoi donc les Soviétiques mettent-ils cela en place ? C'est dans le but de juger les criminels, d'avoir une documentation la plus large possible, puisque vous dites médicale, architecturale, organisationnelle, pourrait-on dire ? Oui, la documentation, la commission est créée dans un but judiciaire, hein, même si ça excède cet objectif, mais il y a l'idée effectivement de construire une documentation qui servira au jugement des criminels de guerre. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'à Auschwitz, il l'avait particulièrement bien faite. Mmh. Anaïs ? Et peut-être aussi de ne pas échouer, comme les demandes de réparation avaient échoué à la suite de la guerre civile, à la suite de la Première Guerre mondiale. Oui, alors en ce qui concerne Auschwitz, la question des réparations à laquelle vous faites allusion n'est pas pertinente, même si il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur cette question. À Auschwitz, c'est pas l'objet, c'est autre chose, et c'est autre chose qu'ils veulent condamner. Oui, on pourrait. J'ai écouté avec énormément d'intérêt l'émission d'hier. Il y aurait tout un pan de l'histoire soviétique à ajouter, des objets d'art. C'est bien connu et on en a. Et là, je pense qu'il vaudrait mieux. La question des archives, et là, peut-être qu'on pourrait donner la parole à d'autres personnes autour de cette table, jusqu'à la réparation des objets du quotidien et ce que disait. Hier, Johanna Linsler, à propos de cette question des objets du quotidien, bon, la gestion des soviétiques par rapport à ça était toute différente, mais très, très attentive à cette question. Alexandre Soumpf. Oui, alors, moi je voudrais rappeler deux choses. D'une part, Auschwitz n'est pas le premier camp de cette nature que les soviétiques découvrent, qu'ils ouvrent, qu'ils libèrent, puisque quelques mois auparavant, ils étaient entrés à Majdanek. Et certes, Majdanek est d'une ampleur moindre qu'Auschwitz, à tout point de vue. Mais cette expérience, que ce soit pour les soldats, pour les commissions d'enquête et pour les opérateurs qui ont filmé les lieux. Bien sûr. Elle est fondamentale. Oui, parce que en fait, il faut d'une certaine façon se faire son regard. Il faut le former, le forger en même temps qu'on avance dans le territoire donc reconquis. Et donc, comme les opérateurs américains ou britanniques le font au fur et à mesure de l'avancée des troupes alliées à l'ouest, eh bien, on est surpris la première fois. On ne sait pas très bien quoi filmer. Et puis ensuite, il va falloir inventer un mode de filmage de ce qu'on découvre. Tout à fait, on est à la fois surpris et pas surpris, puisque les soviétiques filment ce genre d'exactions, de même qu'ils enquêtent depuis 1942, ils filment depuis janvier 1942, et donc ce n'est pas le premier site, le premier centre de mise à mort qu'ils découvrent. Ils ont notamment découvert celui d'abord de Kerch, ensuite à Kharkov, et enfin Babi Yar, hein, en novembre 1943. Babi Yar qui était aussi vide, on pourrait revenir sur cette notion de vide ou de plein. Comment est-ce qu'on va remplir quelque chose qui nous apparaît vide? Comment est-ce qu'on va reconstruire une histoire? Et ça, c'est quelque chose que les Soviétiques ont déjà fait. On va mettre des Polonais ou des Polonaises du coin. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir. Mais justement, en parlant de Polonais, il faut aussi noter, puisqu'on parle des Soviétiques, qu'il y a aussi des Polonais qui enquêtent et que les Soviétiques et les Polonais enquêtent de manière conjointe à Majdanek. Par contre, ils enquêtent de manière disjointe à Auschwitz. Et c'est bien aussi une inscription dans la chronologie très fine de la guerre sur laquelle on peut aussi s'attarder si vous le souhaitez. Anaïs. Justement, en parlant de ces opérateurs dont il est fait état dans cette exposition, dont vous êtes un des commissaires, Alexandre Zumpf, au mémorial de la Shoah, à l'image de ce qu'a fait Christian Delage sur les opérateurs américains de cette libération des camps, est-ce qu'on a les directives qui ont été formulées en direction de ces opérateurs pour enregistrer ces images de ces camps? Tout à fait, des directives qui sont envoyées très tôt dans la guerre, hein, dès l'été 1941. Mais si vous voulez, c'est plutôt que de parler de directives et d'une approche top-bottom, comme diraient nos amis américains, c'est une sorte d'apprentissage commun de la part des autorités politiques, des autorités du cinéma et des opérateurs sur le terrain. Il faut savoir qu'aucun opérateur n'a été spécialisé dans ce genre de prise de vue, que certains ont eu la chance ou la malchance d'en tourner en 1941, 1942, 1943 ou 1944, et que d'autres arrivent complètement neufs sur ces sites de mise à mort. Mais c'est pas n'importe qui tout de même qui vient pour filmer, puisque là, en l'occurrence, d'après ce que j'ai lu dans vos articles aux uns et aux autres et dans cette exposition, c'est Roman Carmen d'un côté. Roman Carmen est présent à Majdanek. Par contre, ce n'est pas lui qui est en charge du tournage d'Auschwitz, par exemple. Ouais. Et alors qu'on aurait pu penser qu'avec son expérience et avec son aura dans le cinéma soviétique, aura qui a été augmentée, accrue largement par son activité pendant la guerre, il aurait pu être mandaté. Justement, ce n'est pas le cas. Vanessa Voisin, sur cette complexité de l'approche filmique en particulier de cet événement monstre qu'est la découverte des camps d'extermination. Alors, effectivement, comme on vient de le dire, c'est la pratique se forge vraiment au fur et à mesure. Il y a des instructions générales dès le tout début de la guerre sur le fait qu'il faut filmer, saisir sur la pellicule les traces des crimes ennemis. Ces instructions, enfin ces conseils se précisent au fil du temps et au fil justement de ce que reçoit le studio, de ce qui est visionné, avec des critiques qui sont formulées aux opérateurs. Donc on le voit vraiment, on voit les choses se préciser au fur et à mesure des années. Jusqu'à décrire les plans qu'on attend? Oui, ça se précise également sur le fait qu'il faut et des gros plans et des plans larges. Cela se précise également sur le rapport au témoin et la façon de filmer le témoin, quel type de fond, comment est-ce qu'il faut essayer de fixer le témoignage des rescapés, avec évidemment souvent des échecs, des reproches qui sont formulés aux opérateurs, qui sont souvent un peu démunis face à ce qu'ils doivent justement au niveau des témoins fixer. Alors Tal Brutman, tout de même, les Soviétiques avancent, ils ne filment pas tout, ils ne vont pas, enfin à chaque fois... Il y a des camps qui n'auront pas été mis sur pellicule, d'une certaine façon. Moi, je ne suis pas spécialiste du cinéma soviétique, mais on peut pointer une chose, et justement, qu'Alexandre Zumpf a rappelé, c'est que de fait, il filme des camps, essentiellement Majdanek, à Auschwitz, mais les centres de mise à mort de la solution finale, à de très rares exceptions près, ne sont pas filmés. Babi Yar est quasiment une exception, mais les centres organisés ont tous été rasés en 43, début 44. Et par exemple, pour Treblinka, Sobibor ou Belzec, qui sont découverts dans l'intervalle entre la découverte de Majdanek et de Auschwitz, il n'y a pas d'image. Par contre, c'est Grossman qui va écrire le premier texte sur Treblinka. Mais quelle image aurait pu y avoir de centre à raser? C'est une des questions qu'on peut se poser. Parce qu'on ne sait pas. Mais Majdanek a en partie rasé, cela dit. Donc il y a quand même des images qui sont faites. Mais Majdanek, ce qui est filmé, c'est les crématoires, c'est les baraques. C'est toujours le camp qui est filmé avant tout. De la même manière qu'à Auschwitz, on filme le camp et paradoxalement pas les fosses qui s'étirent derrière les bunkers ou les lieux débûchés. Si ça a alors été filmé, excuse-moi, mais ça a été filmé, par contre ce n'est pas rentré dans le film. Voilà, mais ce n'est pas retenu au final. C'est pas retenu parce que c'est ce qui a surpris les soviétiques, excuse-moi de t'interrompre, hein, mais ce qui a surpris les soviétiques, c'est que justement toutes ces fosses, toutes ces opérations de mise à mort, ils les connaissaient, ils les avaient filmées, ils les avaient diffusées ces images. Mais là... Ils filment l'inédit, ils filment ce qui les a surpris, parce que rien n'aurait dû les surprendre en arrivant à Majdanek. Et pourtant, ils ont été surpris. Mais pourquoi rien n'aurait dû les surprendre? Parce qu'ils ont déjà filmé des centaines de fosses, ils ont déjà filmé des dizaines, des centaines de milliers de cadavres, ils ont déjà filmé des exhumations à n'en plus finir et des expertises médico-légales. Tout n'est pas rentré dans les films qui ont été diffusés, parce que ces images sont très dures à soutenir, même pour des soviétiques, on peut dire. Simplement, les opérateurs, eux, ont les ont vus, les ont tournés, en parlent entre eux. Et ça fait partie de cette expérience commune, collective. Talbotman. Mais si on lit, par exemple, Grossman, la description qu'il fait de Treblinka, il y a des choses à filmer. Si on il n'y avait pas d'équipe. Voilà. Et les centres de mise à mort ne sont pas compris. Ce qui intéresse, c'est ce qu'il faut. Ça, on est d'accord. Les centres de mise à mort ne sont pas compris et l'attention s'arrête avant tout sur le système de camps. Or, et il y a cette expression qui notamment vient de toute la littérature soviétique, qui est camp d'extermination, qui est toujours usitée aujourd'hui dans le grand public et qui a très largement disparu chez les historiens depuis les travaux de Hilberg. On parle de centres d'assassinat. C'est-à-dire, c'est des lieux où les gens sont débarqués. De mise à mort. Centres de mise à mort, centres d'assassinat, qui sont les mêmes que pour l'opération T4. Les gens arrivent, ils sont assassinés, il n'y a quasiment pas de structure. Et de fait, au moment de la fin de la guerre, Majdanek ou ensuite Auschwitz sont les deux derniers où il reste des structures à ceci près que ce qui va être filmé à Majdanek va être paradoxalement historiquement faux, puisqu'on sait depuis les travaux de Tomasz Krantz au début des années 2000 en Pologne que l'immense majorité des victimes juives de Majdanek ont été fusillées. Donc il y a eu ce qui a été fixé sur la pellicule, le crématoire, puis l'idée que Majdanek fonctionnait sur le même modèle qu'Auschwitz, les chambres à gaz, alors que de fait les travaux historiques réalisés depuis la chute du régime communiste en Pologne montrent que l'histoire s'est faite autrement. Mais comment tu peux dire que c'est faux alors qu'à l'époque on ne savait pas quelle était cette vérité et qu'à Majdanek on voit pour la première fois le Zyklon B? Et que ces boîtes qui sont montrées justement par Carmen, eh bien, elles sont... C'est ce qui montre bien qu'il y a une forme d'incompréhension et qu'on ne comprend pas à quoi on a affaire exactement. Bien sûr. Nathalie Moine. Oui, j'ai envie de réagir à plein de choses et aussi de donner la parole à Vanessa. On ne savait pas... on ne va pas refaire tout le débat sur ce qu'on savait finalement et sur le fait que... et les Occidentaux qui ont refusé de lire et de regarder ce que leur montraient les Soviétiques sur Auschwitz et les Soviétiques eux-mêmes avaient entendu parler en janvier 1945 non seulement d'Auschwitz, mais des formes de mise à mort, etc. Donc on savait. On ne pas de dire qu'on savait ou on ne savait pas. Compréhension plus la question. Qu'est-ce qu'on comprend de ce qu'on voit d'une façon générale? Alors il y a un problème quand même, je pense, de la question de ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas, de la capacité à vouloir entendre ce que disent les Soviétiques et de bien comprendre qu'il y avait aussi des bonnes raisons de ne pas croire ce que disaient les Soviétiques. Et en même temps, on a aussi mis dans le paquet une incrédulité par rapport à des choses que, par ailleurs, les Occidentaux, en tout cas ceux qui étaient très bien informés, savaient. Nathalie Moine, il faut le dire pour nos auditeurs, une des bonnes raisons de ne pas toujours croire ce que disaient les Soviétiques, c'est que dans cette commission que vous avez étudiée, certains des crimes qui ont été commis par les Soviétiques, en particulier les crimes de Katyn, par exemple, étaient difficiles à envisager. Mais c'est juste une mention pour le dire pour nos auditeurs. La contextualisation, c'est effectivement l'incroyable mensonge sur Katyn. C'est plus en amont le fait que c'est un régime qui a mis en place les procès de Moscou. C'est le régime des camps de la Grande Terreur. Donc évidemment, on pourrait avoir des bonnes raisons de se méfier et en même temps ce serait quand même infiniment trop simple de dire ça, en particulier sur Auschwitz, parce qu'on sait très bien que les Occidentaux savaient très bien ce qui se passait à Auschwitz au moment, à partir de à partir de l'été 44, c'est quand même quelque chose de... Et je dis ça pour parler des choses les plus évidentes, mais le savoir sur Auschwitz remonte encore avant. J'avais envie de réagir avant que j'aimerais quand même que Valérie Posner n'est pas là, que Vanessa qui connaît ça extrêmement bien réinsiste sur la question des contraintes techniques sur le film et sur le fait que précisément le fait que Auschwitz ait été filmé pour des raisons techniques, c'était un choix qui avait énormément de poids. Je voulais simplement réagir dire par rapport à Grossman et Treblinka, sur le fait que Grossman, c'est le grand texte sur Treblinka. Grossman arrive après une commission d'enquête soviétique et réutilise dans son texte des témoignages qui ont été d'abord recueillis par la commission. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand Grossman est à Treblinka, il travaille, je dirais, en même temps que la commission soviétique. Il va dire dans son texte qu'il y a plusieurs versions, comme on sait, des choses différentes de la commission soviétique, parce qu'il faut aussi faire émerger à un moment la question de la dénonciation ou pas du fait que dans certains camps et dans ces grands camps d'extermination, la majorité des victimes étaient juives. Mais il faut bien comprendre que les soviétiques, d'abord, quand ils n'ont pas filmé, c'est pas forcément parce qu'ils trouvaient pas ça intéressant, mais parce qu'ils n'avaient pas le matériel. Et que Grossman n'est pas arrivé tout seul en dissidant à Treblinka. Il est arrivé avec l'armée rouge et avec une commission. Et la question est en revanche plus complexe pour Sobibor ou Belzec, où les rares choses qu'on a proviennent essentiellement de ce qu'a pu documenter l'armée rouge. Vanessa Voisin. Oui, alors tout d'abord, il y a des images d'excavation, en fait, d'exhumation à Auschwitz, aussi bien dans les archives qu'elles sont réutilisées dans Kina Documente, c'est-à-dire ce film projeté à Nuremberg qui s'intitule Documents cinématographiques sur les crimes germano-fascistes. Voilà. Donc on a ces images et elles ont été peu diffusées, mais elles existent, elles ont été montées. Sur le filmage d'Auschwitz, on a plusieurs problèmes, c'est-à-dire que selon les textes qu'on a retrouvés dans les archives, des échanges entre le studio, les autorités, les opérateurs sur le terrain, on a pu déterminer qu'il y avait un peu moins de 3000 mètres de pellicule, c'est-à-dire quand même une bonne longueur de film, dont nous, on a à disposition aujourd'hui, si on cumule le film monté et les rushs des archives, on a beaucoup moins. Il nous manque. Donc on en a perdu. On en a, voilà, il y a une grande partie. Grosse heure et demie pour les auditeurs. Il y a une grande partie de ces images dont on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Alors, il est possible aussi qu'elles aient été exclues parce que, comme l'a souligné Nathalie, il y a eu des gros problèmes techniques sur ce tournage. La pellicule, notamment au début du tournage, semblait de très mauvaise qualité. Donc, une partie a pu être perdue parce qu'elles étaient défectueuses. Et puis, le reste, on ne sait pas. Donc, ce tournage, en fait, il commence très tôt puisque, effectivement, la direction politique, dès l'arrivée à Auschwitz, réclame l'arrivée de la commission d'enquête et d'opérateurs. Selon certaines informations, Adolf Horbert, un célèbre opérateur polonais, était sur place très tôt, dès le 27, semble-t-il, 27-28. Les autres arrivent dans la foulée. Donc les 5 opérateurs soviétiques arrivent très vite. Dans la foulée, c'est dans les 3-4 jours Il semblerait le lendemain. Ah, oui, puisque le 31, le chef d'équipe, Mikhail Ochurkov, envoie un télégramme disant qu'ils ont déjà commencé à filmer. Et on a les toutes premières prises, on sait lesquelles ce sont, les prises de vue aériennes, le filmage de quelques survivants sont envoyés très très tôt à Moscou. Alors ensuite, le tournage subit des ratés puisqu'il leur manque de la pellicule, notamment la pellicule de qualité. Ils n'ont pas d'éclairage pour tourner à l'intérieur, donc ça pose quand même un problème. Et s'explique aussi cette scène de reconstitution à l'intérieur des baraques. Mmh. Et le son, ils ne l'auront jamais. Donc ce qui explique qu'on n'a pas de son direct du tout dans le film Auschwitz. Donc il y a des contraintes techniques, mais il y a aussi des contraintes liées au contexte même de ce tournage. Que sait-on finalement des relations entre les opérateurs eux-mêmes et ce qui va être monté ensuite, c'est-à-dire le chaînon suivant de la production de ces films? Alors, on sait que le cheminement de l'image, donc effectivement, elle arrive à Moscou, elle est visionnée. Il y a un premier niveau de censure au niveau du studio, en présence de censeurs militaires, parfois aussi de censeurs politiques. On décide à ce moment-là du destin. Donc il y a un véritable conseil politique de montage. Il y a tout à fait un petit groupe qui décide. Il y a eu l'expertise technique avant. Donc évidemment, on ne garde pas les choses trop défectueuses. Ce groupe au studio va décider si le film... l'image part aux archives, si elle part immédiatement pour montage immédiat dans un journal d'actualité ou dans un film qui est déjà en réflexion, ou bien si elle va dans une forme d'archive intermédiaire qui est un stock d'images pour des films qui vont être tournés prochainement. Pour Auschwitz, on sait que très tôt, quand même, semble prise la décision de faire une édition spéciale. Bon, c'est aussi souligné par les opérateurs sur le terrain, mais ça semble être le cas très tôt. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Et à 9h37, dans la Fabrique de l'Histoire, eh bien, nous poursuivons notre discussion autour de la découverte par les opérateurs, mais pas simplement les opérateurs, photographes, écrivains, tous ceux qui sont chargés par les soviétiques de documenter, pourrait-on dire, la découverte de ces camps nazis sur le territoire de l'ancienne Pologne. Alexandre Zung, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, bah, Vanessa a très bien décrit tout ce circuit de l'image qui est exceptionnellement important. Donc, on parle du tournage d'Auschwitz, mais en fait, il y en a eu plusieurs qui se sont échelonnés en fonction de l'arrivée de la pellicule, évidemment, en fonction aussi de la perception progressive, et là, on revient sur le débat de tout à l'heure, de l'importance et de l'exceptionnalité d'Auschwitz, même par rapport à Majdanek, hein, qui a conduit l'ensemble des observateurs à l'époque à parler de 4 millions de victimes, ce qui est un chiffre d'ailleurs qui a été repris par le musée au départ, et qui montrait bien le saisissement. Et puis, ce qui est aussi exceptionnel, c'est que on a très vite abandonné, en tout cas, il n'y a pas eu d'idée de faire un numéro ou un sujet d'actualité filmé pour les soviétiques, mais directement un film de 20 minutes, ce qui montre bien qu'on est dans une opération exceptionnelle à tout point de vue, qui n'était pas prévue ni par les autorités politiques, ni par les autorités militaires, ni par les autorités du cinéma. Tal Brutman. De fait, il y a plusieurs éléments là-dessus, et justement, pour la compréhension même du site, c'est que c'est une compréhension qui va se dérouler dans le temps, et pour comprendre, les manuscrits des Sonderkommando, par exemple, une lettre va être retrouvée en février 1945, un texte en yiddish qui ne va pas être traduit immédiatement en mars, puis les autres manuscrits vont être retrouvés très tardivement. La plupart des Sonderkommando, quand s'achève la guerre, sont encore détenus dans les camps de concentration à l'intérieur de l'Allemagne. Donc l'histoire à proprement parler de ce qui se passe dans la machine d'assassinat et pas dans le complexe concentrationnaire, elle ne va émerger que dans un second temps, essentiellement à partir de Nuremberg, où il va notamment y avoir un témoin pour la partie soviétique qui s'appelle Reichmann, qui est un évadé de Treblinka, qui va raconter à Nuremberg ce qui se passe en termes de solution finale dans ces lieux très spécifiques. Mais avec toujours ce problème, c'est que Majdanek puis Auschwitz ne vont pas être compris exactement dans leur fonctionnement. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression qu'on a des espaces qui sont tous dédiés pour l'ensemble des catégories de gens qui sont envoyés là, à la finalité, la mise à mort, alors que tant Auschwitz que Majdanek sont constitués d'une multitude de camps et d'espaces d'assassinat dévolus à différentes politiques. Auschwitz est ouvert en avril 40 contre la population polonaise, puis ensuite contre la population tchèque, puis ensuite contre les prisonniers de guerre soviétiques, puis comme camp de concentration pour les tziganes, contre les résistants d'Europe. Et parallèlement, il y a le projet d'assassinat des juifs qui s'organise à côté. Et initialement, même quand Birkenau est construit, l'assassinat se déroule à plus de 3 km du camp initial de Birkenau. Et c'est les extensions successives qui font que tout a fini par s'agglomérer. Et c'est ce que découvrent les soviétiques quand ils arrivent. Et c'est ce que voit le visiteur aujourd'hui. Un immense camp avec des chambres à gaz alentour. Alors, vous avez évoqué, Nathalie Moine, les usages possibles de ce filmage, de ces documents ramassés. Qu'est-ce qu'on en sait de ces usages immédiats dans la foulée de la découverte d'Auschwitz? C'est-à-dire, on voit les films qui sont montés, c'est ce que vient de nous raconter Alexandre Zumpf. On a les prises de notes que vous avez décrites tout à l'heure de tout ce qui est. Oui, qu'est-ce qu'on peut en savoir de ces usages-là après des usages de ce qui a été fait, ramassé aussi par cette commission extraordinaire, voulue depuis 1942, donc de documentation, pourrait-on dire, des crimes nazis. Qu'est-ce qu'il en est? Je vais un peu botter en touche parce que je pense que d'autres personnes pourraient mieux en parler tout en vous répondant un petit peu, parce que si on revient toujours sur cette question, le film de Majdanek et le film d'Auschwitz, il faudrait aussi rappeler donc que le film de Majdanek est montré il est montré à Lublin, il est montré aussi très vite en Europe, il est montré en France. Olga Wormser y fait allusion, par exemple, dans un de ses livres, Le retour des déportés. Comme ça, en passant, le film d'Auschwitz a été aussi montré. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on peut être une spécialiste d'Auschwitz et visiblement ne pas le savoir, hein, ou l'avoir oublié. Et il faut immédiatement aussi rappeler qu'à Majdanek, ensuite, les soviétiques ont autorisé des reporters et un certain nombre d'occidentaux à venir sur les lieux, et parmi eux il y a un grand journaliste Alexander Werth qui est le père de Nicolas Werth, qui ensuite dans ses mémoires explique le fait que les rédactions, ces rédactions de journaux américains ou anglo-saxonnes ont eu du mal à croire, ont été un peu soupçonneuses, continuent à l'être ensuite, et qu'il va leur falloir l'ouverture des camps de l'Ouest pour vraiment y croire. Et à l'inverse, à Auschwitz, les Occidentaux n'ont pas pu venir immédiatement. Il y aura très vite des délégations qui viendront d'Europe occidentale, mais ce ne sera pas avant, je crois, 1946. Et ça repose encore une fois à la fois la question de la réception au moment même de cette ouverture des camps, et le fait qu'on montrait des images, que les Soviétiques envoyaient des images, et que, encore une fois, il y avait cette réception extrêmement troublée du côté occidental. Et ce qu'on constate maintenant, c'est que on peut encore se heurter à une mauvaise appréciation, un anti-soviétisme très très mal fait, et c'est dommage parce qu'il y a quand même beaucoup, ça peut être très très bien fait, c'est vraiment pas difficile, et un anti-soviétisme très mal fait qui en vient à dire des contre-vérités. Anaïs Kien. Oui, Vanessa Voisin, Emmanuel a abordé la question des usages de ces images enregistrées par les opérateurs. Il faut peut-être aussi rappeler que ces images ne sont pas utilisées forcément de la même manière au niveau local, dans certaines régions, et dans les films destinés à être diffusés de manière plus large, et qui constituent d'une certaine manière un discours officiel et unificateur de la Russie soviétique. Oui, alors là, ça vaut surtout pour, me semble-t-il, le retour de ce thème dans les années 60, où là, cette différence entre les publics visés est très très nette, parce qu'on a un retour du thème des souffrances ressenties pendant la guerre, et notamment de la Shoah, dans les années 60, dans des films des années 60, qui sont plus ou moins explicites, souvent selon le public destiné. Par exemple, nous avons une collègue qui travaille sur les films lettons, qui a éclairé deux films, l'un qui s'appelle Loup-garou, qui date du milieu des années 60, l'autre qui s'appelle L'histoire accuse, qui date de 1970, et le second est beaucoup plus explicite sur la Shoah, même si le premier utilise des images de l'ennemi et montre des choses, mais ne cite pas. Parce qu'il y avait, dans le cadre de cette grande guerre patriotique, une propagande évidemment autour de, ce qui n'était pas illogique, autour de l'idée que c'était tout le peuple soviétique qui s'était levé, et donc il n'y avait pas à distinguer tel ou tel. On a connu cela après-guerre en France d'une certaine façon aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors ça s'établit au tout début de 1942, les victimes juives sont quand même plus citées. C'est ça. Dans les films, ça reste très discret, hein, ce thème-là, au profit effectivement de cet impératif de mobilisation. Et puis à la fin de la guerre, il s'agit moins de la mobilisation que de ce mythe sur l'unité du peuple soviétique. Mmh. Donc il faut aussi effectivement revenir à l'écrologie fine pour comprendre bien ces silences. Tal Brutman. Oui, non, mais effectivement, c'est ce qu'Alexandre a évoqué tout à l'heure, mais il faut quand même le rappeler, les fameux 4 millions de victimes proclamées par le pouvoir soviétique et le régime communiste en Pologne, ce sont 4 millions de victimes de la lutte antifasciste. Et on ne parle pas de juifs. Et c'est la même chose à Babi Yar, où la commission extraordinaire commence à enquêter fin 43 et début 44, on lui fait supprimer le fait que c'est les juifs qui ont été exécutés massivement à Babi Yar. Donc très rapidement, c'est ce qui vient d'être dit, la spécificité des victimes... La distinction. Est éclusé, et c'est ce qui va se passer au musée d'État d'Auschwitz, où, à partir de 1947, on parle des 4 millions de victimes de la lutte antifasciste, et les Juifs vont peu à peu être sortis, ça avait été pointé, et jusqu'en 68, avec la grande vague de politique antisémite, par le régime polonais de l'époque. Alexandre Zoum, et puis Nathalie Moine. On lui fait supprimer, c'est-à-dire que ça reste quand même dans les archives, hein. C'est là, c'est dit simplement, c'est dans ce qui est publié que... Le monument par exemple, il faut attendre 1991 pour que le mot juif apparaisse sur le monument qui est plaque en yiddish. Oui, bien sûr. Parce que là c'est en russe et en ukrainien, donc là je parle de ce qui est dit publiquement, pas de ce qui est collecté. Bien sûr. Mais de ce qui est en fait, on dit de ce qui est dit publiquement, il ne faut pas non plus le voir d'un seul... Il y a une réflexion à l'époque sur ce qui est communicable. Est-ce qu'il est loisible de communiquer dans des intentions bien précisées, qui sont des intentions très variables en fonction, comme l'a dit Anaïs, des publics, et en fonction aussi du contexte que rappelait Nathalie, du rapport des alliés à la guerre en cours, de l'avancée de l'armée, des nécessités du moment. Et nous, on juge 70 ans après, parce que malgré tout, on juge, alors qu'il faut à chaque fois se remettre non seulement dans le contexte de la guerre dans l'ensemble, mais dans un contexte très particulier. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit juste de constater, par exemple, que, et là je ne parle pas de la chronologie fine de la guerre, le fait de la Shoah était... très largement gommé. S'il y a babillard sur le principal... Il n'est pas très largement gommé. Il est ceux qui peuvent savoir. Même Molotov, en 1942, écrit dans la Pravda... Mais après, en termes de mémoire, le livre noir est interdit. Oui, il ne sera publié qu'après la chute du régime. Mais c'est après la guerre. C'est après la guerre. C'est pendant on est après la guerre, justement. Nathalie Moine. Oui, parce que là, on touche à un point crucial qui est effectivement visiblement mal compris et qui n'a pas l'air d'être... visiblement, il va falloir passer du temps et qu'on nous accorde du temps à l'expliquer. Et on ne peut du coup qu'inviter le public à aller voir cette exposition. Bon, malheureusement, les circonstances actuelles, je ne voudrais pas que ce soit un pouce au crime, mais enfin, cette exposition au Mémorial de la Shoah est excellente, très riche, et elle demande du temps à être bien comprise et assimilée. Et elle montre aussi que cette question de la dénonciation de la Shoah est extrêmement ambivalente dans le contexte soviétique, puisque parfois on le dit, parfois on ne le dit pas sur Baby Yar, comme s'apprêtait à l'expliquer Alexandre. Molotov le dit, la presse soviétique l'a même dit encore avant, c'est-à-dire dès fin 41, 50 000 juifs de Kiev ont été assassinés. Puis après, il y a ce grand revirement de la commission extraordinaire début 44 qui va par ailleurs être encadré par d'autres communiqués où sur d'autres sites, on va dire clairement que les victimes étaient juives. Alors, c'est pas pour dire que l'antisémitisme d'État ne commence que à la fin des années 40 avec la suppression brutale du comité juif antifasciste. Il y a des germes d'antisémitisme qui apparaissent déjà à la fois dans la population, mais bon, ils n'avaient pas attendu les bolcheviques, bien au contraire, pour être là. Et puis, il y a cette attitude complexe de la direction stalinienne par rapport à cette question, mais qui, dans ces années de guerre et d'immédiate après-guerre, ne sont pas du tout réglées et qui font que, donc, parfois, on va parler quand même très clairement du fait que les victimes sont juives. À Auschwitz, on ne le dit pas, et en même temps, le communiqué ne fait que citer des témoins dont le nom est très clairement juif, ce qui est aussi une manière très soviétique de négocier la question, et qui fait que quand on sait lire, comme le savaient quand même beaucoup d'Occidentaux, en plus le texte avait été traduit, il y avait quelque chose qui était dit, et que cette ambiguïté par rapport à est-ce qu'on dit ou pas, est-ce qu'on comprend ou pas, c'est aussi quelque chose dont on sait bien qu'on peut interroger l'Occident. J'entends bien ce que vous dites, et Nathalie Moine. J'entends bien ce que vous dites. Je voudrais aussi quelque chose sur le procès Nuremberg. J'espère qu'on va y revenir, parce que sur ce que là aussi, on entend des choses ahurissantes. Ce que vous venez de dire, c'est intéressant, mais simplement, est-ce que cette soviétologie que vous connaissez bien, puisque vous travaillez autour de cette question-là, était compréhensible, appréhendable par quiconque dans le monde de l'époque, c'est-à-dire cette finesse que vous venez d'écrire de choisir des non-juifs pour pouvoir déterminer que c'était bien des victimes juives qui avaient été exterminées sur place, est-ce que c'était aussi compréhensible que cela? Vous le dites parce que vous le savez très bien et vous connaissez très bien la mécanique, pourrait-on dire, du pouvoir de l'époque, mais est-ce que c'était aussi évident que cela? Malheureusement, je pense que en par France, un juriste britannique, par exemple, je pense que, un exemple pour vague, prendre, mais oui, pour un juriste britannique ou pour un juriste, est-ce qu'il est capable de reconnaître ces noms et du coup de comprendre le sous-texte de ces listes, par exemple? Oui, je pense. D'autant plus que le juriste britannique, comme le juriste français, n'était pas entièrement dépendant du communiqué soviétique pour savoir ce qui s'était passé à Auschwitz et surtout ce qui s'était passé en amont d'Auschwitz pour savoir les déportations, etc. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et vous vouliez parler de Nuremberg, par exemple. Je voulais parler de Nuremberg parce que Nuremberg, c'est l'exemple très fort de ce qu'on pourrait appeler l'instrumentalisation de la Shoah par le pouvoir stalinien, si on veut, mais enfin, ce qui montre aussi comment la situation était en fait beaucoup plus complexe, qui est que à Nuremberg, les seules victimes juives de la guerre ont été présents à Nuremberg parce qu'ils avaient été appelés à la barre par l'accusation soviétique, qui elle-même comprenait des membres de nationalité juive, de même que la Shoah, ça c'est aussi un grand débat de l'historiographie actuelle, la Shoah a été filmée et photographiée, en tout cas photographiée en grande partie par des soviétiques de nationalité juive, que l'armée rouge qui découvrait ces lieux était aussi composée de membres de soviétiques de nationalité juive, et que dans ces années-là, il y avait des juifs soviétiques critique qui était aussi là pour documenter, pour le dire, et pour le dire infiniment plus que si on considère les accusations du côté occidental. Et un des grands témoins de la Shoah, Avram Sutzkever, qui est convoqué par les soviétiques, qui effectivement ne va pour finir pas témoigner en yiddish, et moi... Encore une fois, j'aimerais qu'on n'aide pas mon anti-stalinisme en cause. Je ne sais pas jusqu'à présent, parce qu'on manque d'archives ou que le travail n'a pas été fait, je ne sais pas pour finir qui a empêché Sutzkever de parler en yiddish. Et quand on lit ce que lui en dit, c'est pas clair que ce soit les soviétiques. En tous les cas, Sutzkever, la même année, 1946, publie à Moscou un récit infiniment plus long, plus riche et plus percutant sur ce qu'il a vécu et sur ce qu'ont vécu les dizaines de milliers de juifs à Vilnius. Il le publie en yiddish à Moscou, et ça fait aussi partie de cette histoire compliquée. Alexandre Zumpf, Vanessa Voisin et Tal Brutman. Bien, ce que je voulais dire, et je rejoins tout à fait Nathalie, c'est que le public soviétique qui voulait savoir, parce qu'en fait ces listes, elles ne sont pas destinées de prime abord aux occidentaux, nous on le voit de notre point de vue occidental, mais ce que fait bien l'exposition, si je puis me permettre, c'est que non seulement on restitue ce regard soviétique, mais aussi on restitue le fait, on explique ces images en expliquant qu'elles sont d'abord destinées aux soviétiques, et pour un soviétique, un nom qui se termine en Stein ou en Berg, ça ne fait pas un pli, c'est un juif. Non mais c'est vrai, il n'y a pas que pour les soviétiques, mais pour eux c'est d'autant plus évident, et dans certaines régions on sait très bien que certains types de noms sont des juifs, donc c'est une manière assez ambivalente de montrer sans montrer, comme l'a très bien dit Nathalie. Ça, c'est la première chose. Juste sur les noms du communiqué d'Auschwitz, les noms juifs ne sont pas tous loin, c'est pas des noms de juifs soviétiques. Hein, c'est encore et par ailleurs, il y a une autre question, c'est le fait qu'on est à Auschwitz, on est en Pologne et on n'est plus en Union soviétique. On est tout à fait d'accord. Bon, la deuxième chose, c'est que cette judéité, elle est beaucoup plus évidente dans les textes qu'elle l'est dans les images. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on revient dans l'exposition. On n'a pas vraiment d'explication pour cela, mais il est sûr qu'on ne peut pas se cantonner à l'image. Nous, c'est le choix qu'on a fait, mais il faut bien comprendre que les soviétiques avaient différents moyens. Les images montées ou les rushs que vous avez dans les images montées, dans l'image, est-ce qu'il y a eu un choix fait ou est-ce que ça n'a pas été fait ? Alors, il y a eu des choix qui ont été évidents faits où on a coupé des étoiles de David sur des brassards, où on a coupé au montage, notamment sur le film sur Auschwitz, les piles de Talit, de châle de prière. Ça, effectivement, c'est des opérations de censure évidentes. Mais d'un autre côté, on pouvait tout à fait savoir par la presse, par les récits qui étaient publiés, qu'il y avait des victimes juives à Auschwitz. Vanessa Voisin. Oui, alors le meilleur exemple de ceci, c'est un texte de d'août 1943, publié par le célèbre Alexis Tolstoï, qui est un des membres éminents de la Tchégéka, la commission extraordinaire, qui est publié dans 8 grands journaux différents, et qui décrit très précisément l'extermination de la communauté juive de Mineralnevo, dans le Caucase. Et il le dit très clairement, et son article est consacré à ça. Alors maintenant, c'est dit pour ce site, ça n'est pas dit pour d'autres, voilà, on est dans cette ambivalence, dans cette... absence de systématique, de cohérence dans le discours. Tal Brutman. Je crois que c'est dit pour Lvov aussi. Tal Brutman. Non mais de fait, effectivement, on est d'accord, mais à partir de fin 43, début 44, il y a un basculement qui fait que le fait juif n'est plus mentionné en tant que tel et il faut rentrer dans le sous-texte. Par contre, moi je suis assez sceptique sur le fait que un Français qui lise des listes de noms soit capable, si on regarde les problèmes qu'a eu l'administration de Vichy pour identifier les Juifs, parce que les Français ne savent pas ce que c'est qu'un Juif en 40, en 44, en 45, ils ne sont toujours pas mieux informés pour détecter un Juif. Donc il faut aussi se défier du fait que ce qui est évident pour les Soviétiques, la nationalité juive est une réalité qui existe chez eux, qui n'existe pas chez nous et qui n'est même pas imaginable pour un Français, un Britannique ou un Américain. Juste un petit mot, tout de même, Nathalie Moine, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de tension dans cette discussion, on arrive à la fin. Hein, pas avec les gens autour de la table. Non, non, mais compris, non, il y a eu. Pourquoi donc y a-t-il autant de tensions autour d'une question qui pourrait être totalement réglée aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression que ces questions-là sont pas si historiographiquement, on peut en discuter tranquillement. Oui, brièvement, très brièvement. On aimerait, et je dois dire que je suis moi-même surprise d'être obligée de me mettre dans cet état d'agacement, parce que je suis surprise de lire ce qu'on peut lire. Parce que, bon, alors, je crois qu'encore une fois, il y a le fait que la question de l'anticommunisme et de l'antisoviétisme est finalement quelque chose qui n'a pas complètement perdu de sens, tout en restant incompréhensible pour les générations précédentes. Et encore une fois, le problème, c'est quand cet anticommunisme, qui en soi n'a rien de répréhensible, vous rend aveugle à des situations plus complexes. De même que je crois qu'il faut aussi revenir sur la question de l'antisémitisme de ce contexte. Et encore une fois, si les Français avaient peut-être du mal à déchiffrer ces noms, non. Les Français, par ailleurs, ils savaient aussi très bien ce que c'était que les déportations. Quand je dis les Français, évidemment, je ne parle pas du type qui habite au fin fond de la province, encore qu'il avait lui aussi souvent vu partir les Juifs. Il faut évidemment distinguer de qui on parle, de quel milieu on parle. Donc, une fois, on m'interroge sur les juristes, ceux qui étaient chargés de parler des crimes de guerre, de documenter les crimes de guerre. Dans le même temps, ils avaient accès aux fichiers de Drancy, par exemple. Merci, Nathalie Moine. Un dernier mot. Il faut aller voir cette exposition Mémorial de la Shoah. Et je voulais signaler aussi un bel article de Thomas Wieder et Amos Reichmann dans Le Monde, daté de mercredi 28 janvier, sur la mise en récit des camps très progressifs entre janvier et le printemps 1945 dans la presse française. Et puis on peut lire effectivement le Auschwitz de Tal Brüttmann qui vient de sortir en repère La Découverte. Merci donc. Et cette exposition dure jusqu'à quand? Et elle est gratuite. Au Mémorial de la Shoah. Voilà, elle dure jusqu'au 27 septembre. Elle est gratuite et je pense qu'il faut la fréquenter un certain nombre de fois pour bien s'imprégner de toutes ces images et surtout de leur explication. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marseille. Un grand merci à Anaïs Quien qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine et au travail qu'elle a mené avec le documentaire avec Françoise Camard, c'était mardi. Donc Anthony Thomasson était à la technique avec nous aujourd'hui et Françoise Camard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur ce site ou encore sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou en nous suivant sur le réseau Twitter. Demain, entre autres, nous aurons une séquence consacrée dans l'émission à la question du génocide arménien. Et puis nous débattrons également d'autres sujets puisque c'est l'émission d'actualité de la Fabrique le vendredi.